Le portrait par Georges Honnet. En passant dans la rue, devant la vitrine d'un encadreur, ses regards avaient été invinciblement attirés par une photographie de jeune femme, les yeux rêveurs, la bouche souriante, les cheveux ramenés sur le front en boucles légères. Il s'était arrêté, admirant cette charmante figure mélancolique et se demandant où il avait bien pu rencontrer l'original du portrait. Car il connaissait ce visage. Il avait déjà vu ses lèvres fines, ses paupières bordées de longs cils recourbés, et cette chevelure soyeuse d'un ton d'or bruni. Il lui semblait entendre causer l'inconnu, avec une voix tour à tour tendre et ironique. Il avait dans l'oreille le son de ses paroles, mais leur sens lui échappait. Qui était-elle? Où s'était-il trouvé en sa présence? Elle était adorable. Et debout devant la glace du magasin, il restait à chercher dans sa mémoire un indice, une trace, mais vainement, et l'image délicieuse se gravait en lui, avec un ineffaçable relief. Ce n'était point pourtant un personnage doté d'une imagination romanesque et d'un cœur inflammable qu'Olivier de Freyneuse. Il était arrivé à 30 ans sans avoir fait de folie, gouvernant sa vie avec méthode, et quoiqu'il fût oisif, n'ayant jamais une minute inoccupée. Il allait à son cercle avec la régularité d'un chef de bureau. À 4 heures, il faisait son entrée dans le grand salon, causait avec ses amis pendant une demi-heure, devant la vaste cheminée, racontait ce qu'il avait appris, apprenait ce qu'il ne savait pas. Puis il passait dans la pièce voisine et s'asseyait à la table d'écarté. Lorsque 6 heures sonnaient, il montait à la salle d'armes, tirait violemment avec 2 ou 3 adversaires, se faisait doucher, endossait un habit noir et s'en allait dîner. Il passait sa soirée au théâtre ou dans le monde, rentrait chez lui sagement, et quoique garçon, menait la vie la plus tranquille, la plus réglée qui se pût voir. Les fantaisies de cœur ne l'avaient jamais entraîné très loin. Il se défiait des liaisons compromettantes. Les femmes mariées, qui égayaient l'attente du divorce avec des complices variés, lui inspiraient une salutaire horreur. Il s'écartait avec prudence des jeunes filles pour lesquelles le flirt est l'amorce du mariage. Il appréciait sa liberté, n'étant pas en humeur d'y renoncer, et trompait sa solitude avec 2 ou 3 petites amies qui venaient volontiers lui demander à déjeuner, étant sûres, vers midi, de trouver un menu soigné et le reste à l'avenant. Elles se rencontraient quelquefois 2 ensemble, mais comme elles se connaissaient généralement, il n'y avait pas à craindre de scènes violentes. Elles étaient pleines d'indulgence pour leurs tromperies réciproques. Ce jour-là, au lieu de badiner, on faisait un bésigue. Quand elles se trouvaient 3, c'était l'occasion d'un poker. Lui, qu'il s'agit de manger, de jouer, de sacrifier la bagatelle, il se montrait souriant, empressé, généreux et disposé à approuver toutes les fantaisies. Mais il ne fallait pas que la fête se prolongeât plus tard que 3 heures. Il ne dérangeait les occupations de personne, mais il n'aurait pas souffert que l'on entreprît sur ses habitudes. Cet homme si savamment réglé semblait avoir résolu le problème de l'existence sans ennui. Il prenait tout l'agrément que la société était susceptible de lui fournir. Il ne forçait jamais sur la dose, ce qui lui évitait de se blaser sur ses plaisirs. Ce qui lui paraissait importun, désagréable ou fastidieux, il s'en écartait avec une extrême adresse. Ses amis le considéraient comme un modèle de la science du bien-vivre. Il est certain que depuis qu'il avait l'âge de raison, il n'avait subi que les désagréments auxquels il lui avait été impossible de se dérober. Peut-être, en y regardant de près, aurait-on pu se demander si ce gentil garçon n'était point le type du parfait égoïste. Cependant, il possédait une qualité qui le défendait contre la férocité naturelle à l'homme qui prétend subordonner tout à son agrément. Il était bon. L'idée de faire de la peine le troublait profondément. C'était là son point faible. Un peu moins tendre, il eût été invulnérable. Tel était ce promeneur brusquement saisi au passage par le charme d'un portrait de femme entouré d'une jolie bordure Louis XVI en bois doré. Si quelqu'un lui dit qu'en passant devant un étalage, il éprouverait une émotion pareille, il aurait cru qu'il s'agirait de quelque toile de maître, d'un Corot brumeux et doré à la fois, d'un Daubigny au vert dur sombre, d'un Rousseau au grand bois roux encadrant une mare où se reflète le ciel, ou de quelque épreuve rare des œuvres de Barry. Mais une photographie de femme, et non point d'une femme célèbre, actrice ou courtisane, grande dame ou riche bourgeoise, comment aurait-il pu le croire? Cela était, cependant. Il restait à la même place, devant cette vitrine où s'étalaient des cadres blancs prêts à recevoir la dorure, des cadres noirs à ornements dans le style mauresque, des cadres en chêne tout simple, des cadres ronds, carrés, ovales, des cadres de toutes sortes et de tout prix, sans valeur artistique et en face desquels il ne pouvait s'obstiner à stationner sans s'exposer au ridicule. Car qui songerait à supposer qu'il restait hypnotisé par ces têtes de femmes souriantes, délicates, jolies, mais sans intérêt. Le Dorore en blouse blanche, la barbe pleine de débris de feuilles d'or, étonné de voir ce jeune homme planté devant son magasin, s'était approché et lancé sur Olivier des regards curieux. Il devenait nécessaire de s'en aller pour ne pas être grotesque. Fréneuse fit un effort et se remit en marche en se disant « Ah ça, est-ce que je deviens fou ?» Arrivé au cercle, il se montra taciturne, parla peu, écouta distraitement, fit à l'écarté quelques fautes qui causèrent à ses partenaires une douloureuse surprise. Il tira mollement et se fit battre par le gros Georgel à qui il offrait d'ordinaire des gilets conditionnés. Il finit sa soirée aux variétés, sans rire à une pièce fort amusante, et rentra se coucher de très maussade humeur. Le lendemain matin, ayant bien dormi, il se retrouva en possession de lui-même. Il déjeuna gaiement avec Mariette de Fontenoy, qui fut charmante. Il sortit à 3 heures, comme toujours, prit son chemin accoutumé, sans penser à ce qu'il avait si fort troublé la veille, et arrivé devant la boutique de l'encadreur, il s'arrêta sans pouvoir faire un pas de plus. La tête de femme était là, dans sa bordure toute neuve, qui le regardait d'un air tendre, avec ses lèvres sinueuses, son front couronné de cheveux légers comme de la plume. Il retrouva son impression irritante, son trouble énervé, toutes les émotions du jour précédent. Il resta rêvé auprès de l'étalage. Il lui semblait qu'en lui toute volonté était abolie. Il se sentait faible et là, comme s'il avait fait une longue course. Il n'y avait pas 10 minutes qu'il était sorti de chez lui. Son regard ne pouvait se détacher de ce portrait, et il ne le voyait qu'à travers un nuage. Il fit un effort, se redressa et se dit « Il faut savoir qui est cette femme ». Délibérément, il poussa la porte du magasin qui, en s'ouvrant, mit en branle une sonnette. À ce tintement, le Dorore, qui travaillait dans son arrière-boutique, vint au-devant du client et demeura stupéfait en reconnaissant la personne qui avait stationné la veille devant sa vitrine assez longtemps pour l'intriguer sérieusement. « Et qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ?» demanda l'homme. « Je voudrais un cadre ancien pour un tableau de fleurs, » répondit Fréneuse, qui jugea utile d'éveiller l'intérêt du marchand. « Nous ne tenons pas l'ancien, monsieur. Ne pourriez-vous pas me copier un bon modèle si je vous le fournissais ?»« Oh, je vous copierai tout ce que vous voudrez. Mais de quelle époque serait cette bordure ?»« Voyons, tenez, ce serait... » Tout en parlant, Fréneuse s'était avancé du côté de l'étalage et feignait d'examiner les cadres qui le garnissaient. Il se penchait vers la photographie. « Tiens, vous avez une jolie photographie dans votre devanture. C'est une figure connue. Savez-vous qui c'est ?»« Ma foi, non, monsieur. Il y a bien longtemps qu'elle est dans le magasin. Comme on avait besoin d'une figure pour remplir le cadre et le faire valoir, on a pris ce portrait. Il est mieux là que dans un tiroir. Mais d'où vient-il ? C'est une photographie laissée ici par un client qui voulait la faire mettre sous verre. Un étranger, très jeune, une espèce d'Américain, quelque chose comme une moitié de singe. Il a disparu sans donner de ses nouvelles. Alors le portrait restait ici. Mais pour votre cadre... Oh, je ne vois rien de vos modèles qui s'en rapproche. C'est joli, cette photographie. L'épreuve est très bonne. Est-ce que vous y tenez ? Pas du tout. Voulez-vous me la vendre ? Ça, je ne peux pas penser si mon client revenait. Il ne reviendra pas. On ne sait jamais. Ces gens-là prennent le bateau pour un oui ou pour un non et passent un mois en mer s'il me réclamait son portrait. Ça serait une affaire. De chez quel photographe est-elle ? Facile à savoir. Le Dorore prit le cadre, le posa sur la table, leva une petite clavette de cuir qui fixait le fond du passe-partout et dégageant l'envers du portrait, il lut sur la feuille de carton satiné « Soubirov, quai de la Neva, Saint-Pétersbourg. » Ah ! « En voilà une bonne, par exemple, » dit-il gaiement. « Ah, je ne m'y attendais pas. » Il regarda avec surprise Fréneuse qui restait anéantie, comme si le plafond venait de lui tomber sur la tête, et il ajouta « C'est un peu loin pour aller se faire photographier. » Puis, revenant à son affaire, « Si vous voulez, monsieur, pour le cadre, je puis passer chez vous ?»« Oui, demain, vers 10 heures, » dit le jeune homme avec effort. Il donna sa carte à l'encadreur et sortit dans la rue. Il avait la tête comme vide. Il marchait devant lui au hasard. il se trouva au rond-point des Champs-Élysées sans savoir comment il y était arrivé. Là, il se reprit. « C'est trop bête à la fin, » murmura-t-il, en frappant avec colère le sol de sa canne. Et vivement, il se dirigea vers son cercle où il tâcha de tromper, par ses occupations journalières, l'inquiétude de sa pensée. Mais il ne se fit pas illusion à lui-même, et après son dîner, au lieu de passer la soirée dans le monde, il rentra tristement chez lui et resta dans son fauteuil à fumer jusqu'à une heure avancée de la nuit. Il se leva brisé, comme après une journée de grande fatigue. Il se traîna, ennuyé jusqu'au déjeuner, sortit plus tôt que d'habitude, évita de passer par la rue où habitait l'encadreur, et se crut sauvé parce qu'il avait résisté pour une minute à son caprice. Mais il ne put secouer l'obsession du souvenir, et toujours il revoyait la souriante figure, avec ses yeux charmants, un peu étonnés, et sa chevelure si fine et qui devait être si douce. Il se demanda qui pouvait être cette femme dont la photographie avait été faite à Saint-Pétersbourg. Elle n'avait rien du type slave. Une Française, à coup sûr, et une Parisienne. Mais à quelle catégorie sociale appartenait-elle? Ce n'était pas une femme répandue dans le monde parisien, il l'aurait connue. Une bourgeoise? Par quel singulier compromis le portrait aurait-il été aux mains d'un Péruvien, Argentin, Brésilien, tel enfin que l'avait dessiné si exactement le marchand? Et comment laisser sans avoir été réclamé? Un mari, mort peut-être en lointain pays. Il se la figura dans une hacienda mexicaine, vêtue de deuil, triste et désolée, et il pensa avec mélancolie qu'il ne la rencontrerait jamais, qu'elle était perdue pour lui. Puis il réagit contre cet abandon de tout espoir. Il se dit que rien ne prouvait qu'elle ne fût pas à Paris, que peut-être elle était là tout près de lui au moment où il la croyait par-delà l'océan, et il s'entraîna à l'espérance. Il s'entêta à la chercher pendant 2 mois. Il variait ses promenades et méthodiquement il parcourut les 20 arrondissements de Paris pour augmenter ses chances de découvrir l'inconnue. Il allait, l'œil au guet, et à chaque tournant de rue, il s'attendait à la voir paraître. Il revint bredouille chaque soir pendant 60 jours. Il n'entrait plus à son cercle. Ses amis ne le voyaient plus. Ceux qui l'apercevaient de loin le trouvaient changé. Un après-midi, son plus intime ami, le baron trésorier, le happa sur la place de l'Opéra, et malgré une vigoureuse résistance, l'entraîna sur les boulevards. Là, le tenant par-dessous le bras, il lui fit subir un interrogatoire en règle. « Qu'est-ce que tu deviens? Tu as disparu? Es-tu ruiné, malade, amoureux ?» Fréneuse rougit sans répondre et baissa les yeux avec embarras. Il avait honte d'avouer la vérité. « Tu es amoureux ?» reprit trésorier. « C'est évident. Tu as l'air bête. De qui? Est-ce une liaison qui t'absorbe? Ou, monstrueuse hypothèse, ferais-tu le pied de grue? » Tiens, écoute, répondit Fréneuse, prenant son parti. Il faut que je te dise tout. Cela me soulagera, car je suis très malheureux. Je suis pris, mais pris comme on ne l'est pas. Ah ah, une gaillarde, à ce que je vois, qui t'en fait voir de cruel. Elle ne me fait rien voir du tout, je ne la connais pas. Le baron trésorier était la correction même. Pourtant, il fit un bond et poussa un cri qui attirèrent sur lui l'attention de tous les consommateurs attablés à la terrasse du grand café. Mais il n'en eut cure, il était trop occupé à regarder son ami. « Ah ça, mais tu es fou » s'écria-t-il. « J'en ai peur, » répondit Fréneuse avec tranquillité. « Et qu'est-ce que tu fais pour te guérir ?»« Depuis 2 mois, je cherche la femme que j'aime. »« Depuis 2 mois, » répéta trésorier, les bras en l'air avec stupeur. « Mais ce n'est pas une existence. »« Non, ce n'est pas une existence. » « Mais où la cherches-tu? Partout, dans la rue, dans le monde, dans les théâtres, à l'église, dans les monuments publics. J'ai fait le tour de Paris, visité toutes les paroisses, arpenté tous les musées, dîné à toutes les tables d'hôtes, inspecté tous les bals, du Continental, du Grand Hôtel, du Terminus. Il y a des endroits où on commence à me prendre pour un mouchard. Enfin, où as-tu vu cette femme? Car enfin, ce n'est pas une créature de ton imagination. Tu l'as rencontrée, aperçue, ne fût-ce qu'une minute. « Bien, je vais te la montrer. » Il conduisit son ami devant la boutique de l'encadreur et lui désignant le portrait. « La voilà. »« Fichtre, » dit le baron, « c'est plus grave encore que je ne pensais. Mais le cas n'est pas nouveau. Nous avons eu Pygmalion, amoureux d'une statue et qui, de reste, s'en est assez mal trouvé. Avec de la musique, ça peut encore aller, mais en simple prose, comme toi, c'est impossible. Pourtant, cela est... Bon. » Je ne crois pas aux femmes introuvables. Nous mettrons la tienne sur pied et tu verras le bel Alali. J'ai quelques bons limiers sous la main. je vais les lancer sur la piste. Point d'indiscrétion, n'est-ce pas? Eh, puisqu'il n'y a rien à raconter. Ils s'en allèrent d'un pas de promenade jusqu'au cercle, et dès le lendemain, le baron ayant dit en manière de défi qu'il y avait à la devanture d'un magasin situé telle rue, tel numéro, un portrait de femme dont il était impossible d'établir l'identité, les viveurs les plus experts de Paris, ceux de qui nulle beauté n'était inconnue, vinrent examiner la photographie. L'encadreur, stupéfait, vit s'arrêter devant sa boutique les élégants les plus qualifiés. Il en conçut une vive inquiétude d'abord, puis à la réflexion un immense orgueil. Ses bordures, évidemment supérieures pour l'ornementation et pour la dorure à celles de ses concurrents, lui valaient sans doute cette affluence d'admirateurs. Il sentit le besoin de répondre à la curiosité des amateurs en faisant des annonces dans les journaux. Il dépensa quelques billets de 100 francs et ne vendit pas un seul cadre. Même, à partir du jour où il se signala ainsi à l'attention publique, les curieux s'y bien mis, avec le gardinier à la boutonnière, ne s'arrêtèrent plus devant son étalage. Il en conçut un prodigieux étonnement, devint méfiant et sa santé s'altéra. Pendant ce temps-là, les émissaires du baron trésorier avaient tous rendu compte de leur examen. Aucun ne pouvait dire quel était le modèle du portrait. Trois d'entre eux affirmaient avoir déjà vu cette figure-là. Duvernet, le peintre, allait même plus loin. Il prétendait que dans une de ses bordées, où l'entraînait souvent un retour de sa bohème ancienne, il avait passé la soirée au Moulin Rouge avec la dame. Son œil ne pouvait s'y tromper, mais quant à dire qui elle était, la tête sous le couperet, il ne l'aurait pu. Trésorier ne donna pas à Fréneuse le renseignement de Duvernet. Il trouva inutile de découronner de sa pureté idéale la mystérieuse adorée de son ami. Créature de rêve, il lui laissa sa poésie. Mais il resta très vexé de son buisson creux. Il s'attacha plus étroitement à son ami pour tâcher de le distraire. Celui-ci parlait de l'inconnue comme d'une femme qu'il aurait aimée et qui serait morte. Il avait l'incurable tristesse de ceux dont le cœur est flétri pour toujours. Il semblait porter le deuil d'une tendresse inoubliable. Ses intimes, étonnés d'abord et un peu sceptiques devant cette mélancolie, avaient fini par ressentir une secrète estime pour cette rare fidélité sentimentale. Il leur semblait que Fréneuse se distinguait de ceux au milieu desquels il vivait par une délicatesse de pensée tout à fait supérieure. Il avait quelque chose de byronien qui les changeait et leur plaisait. Pendant tout l'hiver, on témoignait au jeune homme des égards particuliers. On s'était chuchoté son histoire à l'oreille. Il eut des occasions de bonne fortune très flatteuses qu'il repoussa avec une douceur douloureuse. Il fit comprendre aux curieuses qui voulaient savoir comment aimer un homme si sensible et aux consolatrices qui voulaient mettre quelques baisers sur sa blessure qu'il était reconnaissant de l'intérêt qu'elle lui témoignait, mais qu'il était mort pour l'amour. Il fut très sympathique, se prit lui-même au piège de sa désespérance et en vint à jouer son rôle avec quelque affectation cabotine. Le printemps passé, il alla à Trouville, comme tous les ans, car il n'avait rien changé à ses habitudes. Il se retrouva dans le même hôtel avec les mêmes gens, tous de son intimité, et non sans étonnement, il découvrit à la vie encore quelques douceurs. Le changement d'air lui fit du bien. Au lieu de rester enfermé le matin, comme à Paris, dès 9 heures il était dehors. Il reprit des couleurs, engraissa, mais conserva son attitude navrée. On put continuer à l'appeler sympathiquement ce pauvre Fréneuse. Quelques sceptiques, il est partout de ces esprits desséchés par le doute, dire bien avec une légère ironie « Mais ce pauvre Fréneuse supporte très bien son infortune. Il est rubicon et frais, on en mangerait. C'est une très jolie conserve de désespoir. » On leur imposa silence. Il y avait une trop visible apparence que Fréneuse resterait toujours inconsolable. Sa mise même était appropriée à la situation. Il ne portait plus comme autrefois, le matin pour l'heure du bain, des complets de molleton blanc à raies roses avec la chemise à pois bleus, la casquette de yachting blanche, des souliers de cuir fauve. Ses complets étaient maintenant d'un gris très doux, chemise à pois violet, sa casquette bleu marine et ses souliers de cuir vernis noir. Tout en lui sentait l'austérité. Par un après-midi rayonnant, il était sur les planches en compagnie de trésoriers. Il fumait en regardant la mer qui montait au large lorsque Duvernet arriva, faisant de loin de grands bras et criant « Victoire !» Comme ses amis le regardaient étonné, il dit « Comment, vous n'avez pas encore compris ? Eh bien, mais elle est trouvée !» Qui ça a trouvé ? Mais l'introuvable de Fréneuse, où? Comment ça? Mais tout à l'heure, à la porte du casino. Vous comprenez, je ne peux pas m'y tromper, elle est accompagnée d'une espèce de rastaquaire qui est bien le demi-singe décrit par l'encadreur. Fréneuse, bouleversée, s'est élevée. Il eut le sentiment qu'une révolution énorme se produisait dans son existence. En une seconde, il envisagea toutes les conséquences de cet événement. Après une telle douleur, sa joie devrait être extraordinaire. Orphée, ramenant Eurydice des enfers, n'aurait pu être plus triomphant que lui. Il ne s'agissait pas d'aller voir l'héroïne de sa passion célèbre, de dire « Tiens oui, c'est elle », et de s'en tenir là. Il fallait une démonstration surhumaine, une ardeur comme celle des amants d'opéra qui se roulent aux pieds de leur maîtresse dans un délire qui sera interrompu par l'agonie avec des cris enflammés. « Oui, tu l'as dit, oui, tu m'aimes. Vienne la mort, puisque tes pieds je puis l'attendre. » Il eut conscience qu'il était tenu de ne pas offrir un spectacle banal. Il demanda d'une voix fiévreuse, « Comment est-elle? Jeune, adorable, n'est-ce pas? Oh, tout à fait bien. Tu sais, tu as soupiré. Mais la femme en valait vraiment la peine. C'est un morceau de roi. » Tout ce que Duvernet disait là plut à Fréneuse. Il lui sembla que sa légende ne s'amoindrissait pas. Un morceau de roi, c'était ce qui convenait à ce Mosol se pleurant sur lui-même. Il dit, « Je vais la voir. Venez, mais nous n'aurons pas loin à aller, la voici. » Elle s'avançait sur la plage, marchant à pas lents, vêtue d'une charmante robe crème et coiffée d'un léger chapeau garni de plumes et de fleurs. Auprès d'elle, une autre femme, en qui Fréneuse, avec une surprise pleine d'ennui, reconnut André de Taillebourg, que ses amis appelaient pour la faire enrager la victoire de Saint-Louis. Une demi-mondaine très huppée, très cotée, d'une rare distinction quand elle voulait, étant d'une excellente famille, mais plus souvent une des plus endiablées fêtardes que put rêver un vieux blasé. Derrière venait l'Américain, causant avec Selim Nounio qui entretenait fastueusement depuis une année la belle fille. « Tiens, voilà des amis !» s'écria André en reconnaissant les trois hommes qui s'approchaient. Et se tournant vers sa compagne, « Mes chères Lucie !» Messieurs, le baron trésorier, Duvernet et de Fréneuse. Messieurs, Madame Lucie Latour retourne de l'Inde. Comme le bon Bordeaux, insinua Duvernet. Tu sais, le sommelier est derrière, riposta en riant André au peintre. Madame va faire sensation par sa rare beauté, dit trésorier en s'inclinant. Il faut être un peu sûr de soi, hein, pour se promener avec elle, déclara orgueilleusement la jeune femme. Les deux font la paire, dit Duvernet, comme ceux qui emboîtent le pas. En effet, si jamais deux femmes plus ravissantes furent plus rarement appareillées, jamais deux hommes aussi horribles ne furent mis côte à côte. L'un, énorme poussa, au teint de brique, aux sourcils en broussailles, aux cheveux crépus, l'autre, mince et sec personnage, au visage simiesque, au teint cuivré et à la chevelure huileuse. Ils parlaient, l'un d'une voix rocailleuse et rude, l'autre d'une voix perçante et aigre d'enfant qui mue. Fréneuse, en extase devant la jeune femme, laissait ses amis bavarder et regardait, ne trouvant pas un mot à prononcer, vivant uniquement par les yeux. 100 fois plus ravissante qu'il ne l'avait imaginée, la femme de son rêve était près de lui, il pouvait la contempler, lui parler. Tout ce qu'il avait souhaité le plus ardemment se réalisait. Il en éprouvait, non pas la joie surhumaine qu'il s'était promise, mais une sorte d'embarras. Il entendit que Trésorier disait à Selim, « Eh bien, gros farceur, vous voilà encore avec de jolies femmes ?» Et que Selim répondait d'une voix gutturale, roulant les mots comme un torrent les cailloux, « Toujours, la banque, les chevaux et les femmes, voilà ma vie. »« Dites donc, malhonnête, » dit André de Taillebourg, « vous auriez bien pu mettre les femmes les premières. »« Bon, elle court assez pour prendre la tête toute seule. » riposta en riant le gros homme. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter à son Altesse le Maharaja Misep Singh. » Trésorier et Duvernet s'inclinèrent devant l'hindou qui salua avec un vague mouvement à l'oriental pour mettre la main sur son cœur. Fréneuse pensait, elle est la maîtresse de ce monstre. Il est vrai qu'il est prince. Une main se posant sur son bras l'arracha à sa rêverie. Il leva les yeux, André de Taillebourg le regardait en souriant. Est-ce vrai, cher ami, comme le prétend Duvernet, que vous êtes toqué de cette belle petite-là depuis je ne sais combien de temps, et que c'est en effigie que vous l'avez aimée? « Oui, c'est vrai. Lucie, écoute ma fille, voilà qui est plus fort que tout. C'est comme dans les contes de fées. »« Je vous en prie, » interrompit Fréneuse, « ne lui dites rien, ou je m'en vais. »« C'est à ce point-là, comme vous voudrez. »« Vous ne refuserez pas cependant de venir dîner chez moi ce soir avec elle. L'hindou y sera-t-il ? Non, il n'y sera pas. Alors j'accepte. Permettez-vous à Selim de rester. S'il vous gêne, on le mettra à une petite table. Méchante, vous vous moquez de moi. Il s'arrêta pour laisser à Lucille la tour le temps de la rejoindre. Il la regarda s'avancer, légère, onduleuse, avec une grâce exquise. Son beau visage éclairé par ses yeux limpides. C'était bien la femme du portrait. Elle en avait le charme élégant et pudique. Et pourtant, derrière elle marchait le Maharaja avec lequel elle revenait du pays féerique des temples et des pagodes. Il ne voulut plus voir en elle ce qui déflorait son idéal, mais seulement ce qui ravissait sa passion. Il descendit des hauteurs éthérées de son rêve et s'enivra de l'adorable réalité. Avec une ardeur de tendresse qui amusa André, il se rapprocha de Lucie et vint lui parler, avide d'entendre sa voix. Mais sous les yeux de ses amis, en présence de Nuno et du prince, il craignit de se trahir, et après quelques paroles banales échangées, il prit congé et s'éloigna. Vainement trésorier et Duvernay lui crièrent de les attendre. Il feignit de ne pas avoir entendu, et avide de solitude, il se réfugia au bord de la mer, sur les dunes de sable qui s'élèvent au-delà de Deauville, couvertes d'une herbe jaune courte et rare. Là, en face de l'immensité, loin du bruit humain, il s'interrogea. Le malaise qu'il avait ressenti au début en voyant apparaître la mystérieuse créature à laquelle il avait voué un culte s'était dissipé. Il ne trouvait plus au fond de lui-même qu'un immense désir de se rapprocher de l'adorable femme, de la conquérir, de la faire sienne. Son amour, si longtemps chimérique, se matérialisait en un instant, avec une ardeur invincible. Il voulait posséder Lucie et la pensée de la tenir dans ses bras. Un nuage obscurcissait sa vue. Ses oreilles s'emplissaient de bourdonnements, sa gorge se serrait, aride et convulsive. Il était prêt à tout pour l'obtenir, rien ne le rebuterait. Il lui ferait la cour en secret, avec ses raffinements de tendresse, ses petits soins délicats qui plaisent tant aux femmes. Il s'emparait de son esprit, de son cœur, de son être. Et quand il serait parvenu à se faire aimer d'elle, il l'arracherait à son entourage. Il l'emmènerait au bord de quelques beaux lacs d'Italie où, dans la verdure, sous le soleil, il se laisserait voluptueusement vivre. Oui, oublier ce qu'elle avait pu être et ne voir en elle que ce qu'il voudrait qu'elle fût, l'abstraire de son passé et par une sorte d'incantation de son amour, la créer à nouveau pour la voir immaculée et divine. Il resta à rêver ainsi au bruit des vagues, dans la caresse de la brise, se berçant de ses espérances, emporté par son imagination loin des indignités humaines. Il eut pendant quelques heures la sensation d'une plénitude de cœur qui le mettait très près du bonheur parfait. La nuit, en baissant peu à peu, l'avertit que le temps s'écoulait et que s'il voulait ne pas manquer au rendez-vous qu'André lui avait donné et passer la soirée avec Lucie, il fallait rentrer s'habiller. Il se leva donc, presque à regret, jeta un dernier regard sur la mer que le soleil couchant rougissait de ses feux et à pas lents, se dirigea vers son hôtel. Il fit une toilette d'homme qui veut plaire, et quand il s'examina dans la glace avant de sortir, il fut assez satisfait de lui-même. En entrant dans le salon de la villa habitée par la belle Taillebourg, il avait le cœur un peu plus nerveux qu'il n'aurait fallu, mais cette émotion lui donnait une pâleur intéressante. Selim avait engagé une partie de piquet avec Trésorier, et Duvernay causait avec les deux femmes devant la large porte-fenêtre qui donnait sur le jardin plein de roses. Fréneuse se glissa au milieu des canapés et des fauteuils d'osier capitonnés de soie, et ayant serré la main de son ami, baisé le bras d'André et salué profondément sa belle, il tira un escabeau près de la table sur laquelle le peintre, au dos d'un programme de course, avec un mauvais bout de crayon, était occupé à croquer Lucie tout en bavardant. « Tu vois, sire de Fréneuse, à quel point ces dames ont été gentilles pour toi. Le Raja était consigné à la porte de notre paradis. À l'heure où je trace ce croquis, il est en train de dîner face à face avec son secrétaire, aussi jaune que lui, servi par des esclaves boutons d'or, à qui il fait couper les mains quand ils ont le malheur de casser la vaisselle. Et toi, Vénard, tu vas passer toute la soirée entre ces deux jupes charmantes, en compagnie de tes amis, à te divertir des stupidités énormes que ne manquera pas de lâcher le maître de la maison. Apprécies-tu ton bonheur ? Fréneuse sourit et déclara qu'il se jugeait très enviable. « Eh bien, dis-le avec plus de chaleur. Tu la vois enfin, la belle personne pour qui tu as soupiré à faire tomber tous les plafonds du cercle. « Oh, je vous en prie, madame, ne bougez pas. La pose est ravissante. »« Bah, mon petit Freineuse, abuse de la pose. Dis à madame que tu l'aimes. » »« Et que jamais, dans tout l'Indoustan, elle ne trouvera un prince café au lait pour l'aimer comme toi. »« Duvernet, tu es tout à fait bête, » interrompit André. « Mêle-toi de ceux qui te regardent. Rien n'est dangereux pour un amoureux que de lui dire « parle de ton amour ». Le plus sûr effet qu'on obtienne est de paralyser complètement l'entrain de celui qu'on veut pousser en avant. Eh bien, merci. Paralysée, Freineuse, après 6 mois d'extase devant la vitrine d'un encadreur, au moment où il découvre miraculeusement l'original de son portrait idolâtré, mais c'est-à-dire qu'il doit être à une température de 2000 degrés, avoir envie de faire des bonds de 20 mètres et sentir la nécessité de casser des noix en contactant la paume de ses mains. Où étiez-vous, madame, pendant que notre ami vous chérissait ainsi dans le vide ? À Yangor, dit Lucie d'une voix charmante, dans un palais de marbre et d'or, entouré de bayadères et de jongleurs, porté dans un palanquin quand je sortais et m'ennuyant à 100 000 francs la journée. Ne parlons pas des nuits, dit Duvernet, mais fichtre, je vois que madame revient riche. Très riche. Si j'avais voulu rester aux Indes, le prince m'aurait épousé, mais je lui aurais plutôt rendu tout ce que je tenais de sa générosité. Je serais morte là-bas. Oui, la maladie de foie donne beaucoup sous ces latitudes. Vous n'avez pas idée de l'isolement dans lequel je vivais. Il m'a fallu apprendre l'anglais, et quand je l'ai su, je n'avais personne avec qui causer. Mes femmes étaient des créatures stupides qui ne pensaient qu'à manger et à dormir, et quant aux hommes, le Raja vous suffisait. Tu entends, Freineuse, madame revient vierge d'impression. C'est comme qu'il irait la Jeanne d'Arc de l'Himalaya. Il entendait parfaitement, Freineuse, et un malaise s'emparait de lui à voir son adoré rouler comme un plaisir dans les vulgarités gouailleuses de cette conversation. Lui qui avait fait tant d'efforts d'imagination pour l'élever à la hauteur de son rêve, il assistait, plein d'angoisse, à cette chute en plein bas-fond social. Sa divinité descendait d'elle-même du piédestal qu'il lui avait dressé et venait batifoler familièrement avec les humains. Il la regardait avec des yeux courroucés et cependant il ne pouvait se défendre de la trouver belle. Accoudé au bord d'un canapé, renversé en arrière, dans ce mouvement indolent qui avait séduit Duvernet, elle montrait la rondeur de son bras frais et nacré, la finesse de sa taille, la splendeur de sa gorge, l'ovale exquis de son visage, et Freineuse, tout révolté qu'il fût, la désirait follement. La porte du salon, s'ouvrant devant le maître d'hôtel qui annonça le dîner, interrompit la partie des joueurs, et Nuno, accompagné par Trésorier, se rapprocha des femmes. « Tiens, c'est joli, ton dessin, » dit l'agent de change. « Tu en as l'air tout étonné, » fit le peintre en jetant son crayon et en repoussant la feuille de carton sur laquelle il avait jeté une esquisse charmante, à la fois d'une précision et d'une souplesse merveilleuse. « Madame, si vous voulez venir à mon atelier, je vous ferai votre portrait. »« Avec grand plaisir, mais ce sera pour le prince. »« Ou alors cela coûtera horriblement cher, » s'écria Duvernet. Il ajouta gentiment, « si c'était été pour vous, le plaisir de vous regarder eût suffi. » Bien. Tu rachètes un peu tes incongruités de tout à l'heure, dit André en riant. Allons, mes enfants, à table. Et ils passèrent dans la somptueuse salle à manger, et Freineuse eut le plaisir de prendre place à côté de Lucie. Il s'ingénia à la traiter comme une grande dame, et vit que sa grâce raffinée lui plaisait. Il voulut s'emparer de l'attention de la jeune femme, la distraire complètement de la conversation de ses amis, la voir à lui complètement, malgré le cliquetis des boutades de Duvernet et des réparties de Trésorier. Il y réussit, et pendant 1 heure, il s'imposa celle qu'il aimait. Par la variété des sujets et le feu de l'expression, il sut tout rapporter à elle-même, et pas une des paroles qu'il lui adressa, qui ne fut un flatteur hommage à sa beauté. Elle se fit raconter par le menu l'étrange histoire de la passion de Freineuse. Elle ne lui fit grâce d'aucun détail, et parut s'enivrer de cet encens amoureux si dévotieusement prodigué. Jamais, dans les palais de son Maharaja, elle n'avait été adorée par les esclaves prosternés comme elle l'était par ce joli garçon, libre et fier. Pour une femme, privée depuis si longtemps de la galanterie civilisée, le plaisir était sans prix, et Lucie, peu à peu, commença par s'animer intérieurement, quoiqu'elle demeurât indifférente en apparence. Le désir aigu d'une amoureuse fantaisie précipita soudain les battements de son cœur, mais sa voix ne trembla pas, son regard ne fut pas troublé. Freineuse pensait, l'examinant la dérobée, « parviendrai-je à lui plaire ?» Elle semble m'écouter avec complaisance, mais ce n'est sans doute que de la politesse. Comment arriver à me faire aimer d'elle ? Il avait oublié tant de succès facilement remportés, tant de liaisons ébauchées en une heure. Il ne se souvenait plus de ses petits amis, et non des plus vulgaires, qui venaient si régulièrement déjeuner avec lui le matin, descendant à sa porte de leur coupé bien attelé d'un cheval de prix. Ses victoires anciennes ne comptaient plus. Toute son expérience de la vie était perdue. Il était bouleversé par la présence de Lucie et se sentait aussi tremblant qu'un collégien à sa première amourette. La crainte de ne pas réussir et d'être dédaigneusement traité par la jeune femme lui mettait dans le sang une horrible fièvre, et quand bien même il serait assez heureux pour inspirer un caprice à Lucie, à quoi cela lui servirait-il? Comment arriver jusqu'à elle? Il avait pu accidentellement passer la soirée en sa compagnie, mais le prince qui l'adorait et devait disposer d'une légion de serviteurs fanatiques, la laisserait-il encore libre de venir sans lui chez André? Ou ne pouvait-il pas la faire étroitement surveiller? Et la voir ainsi quelques heures, devant témoin, une fois par hasard, était-ce acceptable? Il envisageait toutes les difficultés, tous les dangers qui pouvaient être, pour Lucie et pour lui, la conséquence de sa tendresse, et un découragement profond l'accablait. Cependant, on sortait de table, il offrit son bras, et sentit la jeune femme s'y appuyer avec abandon. Une pression légère des doigts, un voluptueux regard de ses yeux aussitôt détournés, firent passer un frisson dans la chair de Fréneuse. Il marcha presque sans savoir où il allait. Assis dans le salon, il prit une tasse de café en écoutant distraitement Trésorier et Nuño qui discutaient les chances d'une nouvelle émission d'obligation des chemins de fer bulgares. Il voyait André de Taillebourg penché vers son ami. Ses beaux bras appuyés au dossier du canapé, sa gorge marmoréenne montrée dans un mouvement d'une insouciante impudeur. Les deux femmes parlaient avec animation, mais aucune de leurs paroles ne venait jusqu'à lui. André semblait donner des conseils à Lucie. Celle-ci termina l'entretien par un haussement d'épaule qui signifiait clairement « Je m'en moque ». De qui ou de quoi se moquait-elle? Était-ce de Fréneuse ou de son amour? Une voix secrète insinua au jeune homme que c'était du Raja. Il n'eut pas longtemps à délibérer sur ce point important, car la belle Latour se leva en disant « Mon Dieu, qu'il fait chaud ici. Allons donc faire un tour sur la plage. » À cette proposition, Selim se récria « Et notre partie, à Trésorier à moi, qui n'est pas terminée? Allez au bord de la mer tant qu'il vous plaira, mais ne nous forcez pas à vous accompagner. Duvernet ira avec André, lui qui ne joue pas. » « Selim, vous voyez comme vous êtes, » dit gravement le peintre, « vous me jetez à la tête de votre ami. » Si demain on vient vous dire que nous a rencontrés ensemble au clair de la lune, vous n'irez pas nous accuser de vous faire des traits. Cher ami, dit le gros homme en battant les cartes, si vous avez eu envie, André et vous, de me tromper ensemble, ça doit être fait depuis longtemps. Si ça n'est pas fait, ce n'est pas ce que je dirai ou tenterai qui vous empêchera de le faire. Alors pourquoi me tourmenterai-je? André, tu entends, maintenant nous avons la permission. Selim, tu es beau, tu es grand, et Moïse est ton prophète. « Allons, laissez-nous tranquilles avec vos bêtises. Trésorier, c'est à vous de donner. » Les deux femmes, enveloppées dans leurs manteaux, descendirent le perron qui conduisait au jardin et par une petite porte gagnèrent la rue. La mer s'étendait à l'horizon, obscure et murmurante. Lucie prit le bras de Fréneuse, se pelotonnant contre lui avec une ardeur amoureuse. Il frémit de joie, il la sentait à lui. André et Duvernet marchaient devant en bavardant. Lucie et Olivier ne prononçaient pas une parole. L'air était doux, la nuit criblée d'étoiles, et par bouffées, la musique du casino se faisait entendre dans le silence. Ils marchèrent sur le sable, le long de la plage solitaire. Une plénitude délicieuse leur gonflait le cœur. Ils éprouvaient un exquis équilibre de désir et de jouissance. Ils auraient voulu vivre ainsi toujours. André Duvernay s'était assis sur un petit monticule, et la cigarette du peintre brillait par intervalles dans l'obscurité comme un rouge vert luisant. En marchant, les pas sourdis par le sable, Lucie et Olivier arrivèrent derrière eux et ils entendirent la belle Taillebourg qui disait « Tu sais, la tour s'est toquée de Fréneuse. Elle était comme une folle après le dîner. Elle voulait l'emmener chez elle au risque de ce qui pourrait arriver. Mais, par Brahma, notre vieux pain d'épices de prince les aurait fait découper l'un et l'autre par ses esclaves. Il aurait surtout lâché Lucie. Et ce poids million vaut quelques ménagements. Mais cette folle voulait tout casser. » Fréneuse n'eut pas le loisir d'écouter davantage. Lucie l'entraînait. À 20 pas de leurs amis, il s'arrêta, la prit par la taille, et la regardant avec ardeur, il sembla chercher sur son visage la preuve qu'André avait dit vrai. Lucie s'haussa sur la pointe des pieds, passa ses bras autour du cou d'Olivier, et nouant ses lèvres à ses lèvres, lui donna un long et pénétrant baiser. Comme par enchantement, l'amour d'Olivier, qui dut par cette caresse être porté à son paroxysme, s'amoindrit et s'effaça. On eût dit qu'un charme se dissipait. Cette femme, qu'il avait tant souhaitée, qu'il désespérait d'obtenir, se donnait, et il cessait de la vouloir. Plein d'étonnement, il cherchait sa passion et ne la retrouvait plus. Il essayait de se réchauffer, de s'animer. Il se sentait froid comme un marbre. La certitude avait tué le désir. Il marchait très tranquillement à côté de Lucie, et son trouble dissipé lui permettait de juger la jeune femme. Il était surpris de ne plus la trouver aérienne, suave, exquise. Certaines vulgarités qui, pour lui, avaient passé inaperçues le choquèrent brusquement. Il remarqua qu'elle répétait volontiers cette locution familière « vous savez ». Et ce tic de conversation devint tout à coup douloureux pour ses oreilles. Il ne se borna plus à jouir de la caresse de son organe. Il écouta ce qu'elle disait, et avec une amertume soudaine, il pensa. Mais elle ne dit que des niaiseries et des platitudes. Cette fille est bête comme une oie. Il en était là. Elle appelait cette fille, au bout d'une demi-heure de dégrisement. La divinité était tombée de son autel. L'idole gisait dans la poussière, renversée par un caprice, comme elle avait été élevée par une fantaisie. Jolie, certes, mais il y en avait tant de jolies, et qui n'avaient pas pour les garder des sauvages venus du fond de l'Asie, et qui n'étaient pas enclines à jouer les princesses, parce qu'elles imposaient leur volonté à un aborton. « Vous ne parlez plus ?» remarqua Lucie, en serrant contre sa poitrine le bras d'Olivier. « Tout à l'heure, vous étiez bien plus gentil, et vous m'avez dit en face de la mer des choses très poétiques. Recommencez, j'aime beaucoup écouter des phrases d'amour en marchant dans la nuit. » « Sentimental comme une romance, » pensa Fréneuse. « Est-ce que vous ne m'aimez plus ?» demanda Lucie en levant ses beaux yeux craintifs. « Moi, je vous adore. » Il dut le crier pour y mettre la chaleur suffisante. « Ah, je vous y prends à effeuiller les étoiles, » dit derrière eux la voix de Duvernay. Le peintre et André sortirent de l'ombre et s'avancèrent. « Nous sommes un peu gentils, hein ?» fit la belle Taillebourg. « Voilà une heure que nous vous laissons roucouler à loisir. » « Et pendant ce temps-là, » ajouta Duvernay en montrant André, « Madame aurait eu tout le temps d'abuser de moi, mais je ne compte pas avec les amis. »« Oh, tu étais bien en sûreté, va !» répliqua André. « Mais il commence à faire frais sur ce sable, si nous retournions un peu du côté de la civilisation. » Ils se mirent en marche. De rares passants les croisaient. À cette heure de la nuit, Deauville semblait une ville morte. Une grande maison toute noire se dressait devant eux. Ils tournèrent une terrasse et aperçurent des lumières. « Te voilà arrivé, Lucie. Rentres-tu ? » La jeune femme leva les yeux sur Fréneuse, semblant lui demander « Voulez-vous me garder ?» S'il avait dit « Restez !» Elle eût en ce moment été capable de quelque folie pour lui plaire. Il détacha doucement son bras et d'une voix ironique, « Il ne faut pas faire attendre le prince. » Lucie eut un geste de protestation attristée. Il lui sembla que son amoureux était sans amour. Elle se demanda si elle ne l'avait pas contrarié sans le vouloir. Elle lui sauta au cou devant Duvernay et André, lui soufflant dans l'oreille, « Je vous verrai demain, n'est-ce pas ? À 2 heures, je suis toujours seul. » « Très bien, » murmura-t-il avec effort. Il ne lui rendit pas son baiser, il lui serra seulement la main. Elle ouvrit la petite grille du jardin et avec un geste gracieux, elle s'éloigna. À peine eut-elle disparu que s'adressant Fréneuse. « Eh bien, par exemple, c'est un peu raide, » s'écria André, « ce que vous avez fait là. »« Comment ?» renchérit Duvernay. « On te ménage un tête-à-tête avec une femme après laquelle tu cours depuis des mois. » Et après avoir chuchoté pendant 1 heure avec elle, à en avoir la langue absolument courbaturée, vous la laissez partir sans un petit mot tendre, vous restez froid comme un public fin de siècle. Une congélation si subite n'est point naturelle. C'est-à-dire que je me demande ce qui a pu se passer entre vous pendant que nous n'étions pas là. Fréneuse, votre conduite est inexplicable. Je dirais même plus, elle n'est d'un pas grand-chose. Elle n'est surtout pas polie pour moi. Je vous offre un bon dîner, une jolie femme, vous mangez le dîner et vous laissez la femme en plan. Tiens. « Tu es presque aussi dégoûtant que Nuno. »« Enfin, c'est bien la jeune inconnue que vous avez demandé à tous les échos. Il n'y a pas erreur sur la personne, non ? Bien alors, qu'est-ce qui lui manque ?» Fréneuse avait supporté silencieusement ce feu croisé d'ironiques questions. Il marchait la tête basse, écoutant ses amis, plein d'un amer sang-froid. Enfin, s'arrêtant brusquement, « Tout ce que vous me reprochez est juste. Je me suis ridiculement conduit avec cette charmante femme. » mais il m'aurait été impossible d'agir autrement. Tout à l'heure, quand elle nous a quittés, j'ai fait effort pour lui tourner un compliment, pour lui adresser une phrase gracieuse. Mon cerveau était rebelle à ma volonté, et je suis resté court, comme vous l'avez vu. C'est pourtant la même femme que j'ai tant désirée. Elle est plus belle que je ne l'avais espérée. Mais je ne suis plus le même homme qui la cherchait passionnément. La réalité a tué le rêve. C'est une créature charmante, mais ce n'est pas celle que je voyais et que j'entendais par le prestige de mon imagination. Je me rends parfaitement compte de ce qui se passe en moi. À mesure que mon inconnu s'est matérialisé à mes yeux, son charme a diminué. Créature chimérique, elle était douée de toutes les perfections. Créature vivante, elle perd sa divine parure et retombe à la vulgarité humaine. Sa céleste rivale l'a écrasée, elle n'existe plus. Si je la revoyais pendant toute une semaine, je la prendrais en horreur. Il vaut mieux que je la fuie. Ainsi elle pourra me rester chère. « Bon, je comprends, » s'écria la belle Taillebourg. « Vous êtes un de ces gaillards qui n'attachent de prix qu'à ce qui est irréalisable et qui ne cherche que l'impossible. »« Parfaitement, » ajouta Duvernet, « et comme l'a si bien dit le grand Racine, à moins que ce ne soit Rodolphe Salis, notre unique bonheur nous vient par le désir. Un plaisir ressenti cesse d'être un plaisir. » « C'est une doctrine d'enfileur de perles, spécialité qui n'a rien à voir avec les femmes. Bonsoir, Don Quichotte de l'amour, va te rouler dans la Sierra Morena. »« Bonsoir, mes amis, » dit mélancoliquement Freineuse. Il prit le chemin de son hôtel, mais il eut encore le temps d'entendre André qui concluait ainsi. « Tu vois, Duvernet, comme à tous les points de vue, les femmes ont raison de se faire payer cher. » Et Duvernet qui répliquait, « Il est certain qu'il n'y a que ça qui leur donne de la valeur. » Le lendemain matin, Freineuse, ayant passé une nuit blanche, prit le train et alla continuer sa saison de bain de mer à Dieppe. Il ne revit jamais Lucie. C'était Le Portrait par Georges Honnet.